Chapitre 2e. Ne croyez pas qu'il prit prosaïquement le paquebot. L'oncle Rainier n'était pas un homme ordinaire. Ainsi qu'on l'a vu, il avait des idées à lui et bien à lui. L'oncle Rainier avait toujours aimé voyager sur l'eau. Seulement, il s'était souvenu longtemps de sa première traversée de l'Atlantique, qui durait alors 12 jours, et pendant laquelle il n'avait pu voir les flots que par le hublot de sa cabine, dans laquelle le mal de mer l'avait impitoyablement consigné. Depuis, les voyages qu'il avait dû faire sur l'eau ne lui avaient pas mieux réussi, et même, lorsqu'il demeurait à Chicago, le Michigan produisait sur son organisme le même effet, pour peu que le vent agitât les flots de l'immense lac. Quand, retiré des affaires, l'oncle Rainier songea à occuper ses loisirs, il voulut concilier son amour pour les voyages sur l'eau avec ses déplorables dispositions au mal de mer. Et il se fit construire un sous-marin. Oui, un sous-marin, ou plutôt un submersible de 45 mètres de long, déplaçant tout près de 500 tonneaux et qui, actionné par ses moteurs au bazol, pouvait filer ses 22 nœuds à la surface et ses 16 en plongée. Son équipage, y compris un valet de chambre et une cuisinière, l'oncle Rainier était un peu porté sur sa bouche, était composé de 12 personnes. Construit très solidement, suivant les plus nouvelles conceptions des ingénieurs français, il tenait fort bien la mer à la surface et en plongée pouvait atteindre 60 mètres de profondeur sans qu'une de ses tôles fléchisse. La capacité de ses soutes pouvait lui permettre d'emporter une provision de carburant suffisante pour franchir plus de 7000 km à la vitesse moyenne de 20 nœuds. L'oncle Rainier avait baptisé son bateau le Lafayette. Quand donc l'idée lui venait de faire une croisière, il s'embarquait à Brooklyn sur le Lafayette et se rendait à Newport, le Trouville des États-Unis, à moins qu'il n'aille villégiaturer dans la Caroline du Sud, à Charleston, dont il affectionnait beaucoup la situation et le climat. Si la mer était belle, on naviguait à la surface avec la rapidité d'un croiseur. Si elle devenait dure, on s'immergeait, et par 12 ou 15 mètres de profondeur, on narguait le tangage et le roulis, et par suite, le mal de mer. Il faut convenir qu'ainsi conçue, la solution du problème ne manquait pas d'élégance. Malheureusement, elle n'est pas à la portée de toutes les bourses, et nous ne la conseillerons pas à tout le monde, car tout le monde n'a pas, comme l'oncle Rainier, 3 millions à dépenser à seule fin de pouvoir narguer le mal de mer. Ce fut donc à bord du Lafayette que l'oncle Rainier se rendit en France. Le voyage fut contrarié par des grains fréquents et l'on dut naviguer souvent en plongée, de sorte qu'on arriva à Brest le 10 janvier seulement. Laissant son capitaine à la garde du navire, avec ordre de se ravitailler immédiatement et de se tenir prêt à partir au premier signal, l'oncle Rainier prit le rapide pour Paris, où son détective, prévenu, l'attendait à la gare. Ce qui explique que, mis en éveil par des préparatifs qu'il avait vu faire la veille, l'oncle Rainier, levé de bonne heure le matin du 15 janvier, put assister en personne au départ de nos deux héros de l'aérodrome d'Étampes. Ses dispositions étaient prises et immédiatement il se prépara à regagner Brest par le premier rapide. Mais une idée lui était venue, laquelle n'était pas moins originale que tout ce qu'il avait conçu jusqu'alors et qu'il voulut auparavant et sans tarder mettre à exécution. Aussitôt qu'il eut perdu de vue l'aéroplane qui portait sans patience et sa fortune, il se fit conduire à la gare d'Étampes. Ainsi qu'il l'avait espéré, René Dubois s'y trouvait, attendant le train qui devait la ramener à Paris. Elle était seule dans la salle d'attente des secondes, triste et le visage un peu fatigué par une nuit d'insomnie. L'oncle Rainier l'aborda. « Mademoiselle, dit-il en se découvrant respectueusement, permettez à un inconnu de vous demander pour tout de suite la faveur d'un entretien. » Étonnée, la jeune fille regarda cet étranger déjà âgé, mais droit encore et robuste, avec sa barbiche et ses cheveux grisonnants, son teint de brique et ses yeux gris, au regard vif mais loyal. « Il est d'abord nécessaire, poursuivit-il, que je me présente moi-même, Lucien Rainier, français d'origine, mais habitant pour l'instant Philadelphie. » Au nom de Rainier, la jeune fille avait fait un mouvement. « Et l'oncle, ajouta son interlocuteur, et l'oncle de l'ami de votre frère. « Mais monsieur, commença René, tandis qu'une imperceptible rougeur montait à ses joues. « Vous ne voyez pas où je veux en venir. Laissez-moi vous expliquer, mademoiselle, ce sera l'affaire de quelques instants. » Et brièvement, mais avec beaucoup de clarté, et au grand étonnement de la jeune fille, l'oncle Régnier la mit au courant de la comédie qu'il avait imaginée à l'égard de son neveu, ainsi que des motifs qui l'avaient fait agir. De plus, il lui fit savoir qu'au fond un peu inquiet sur les suites de cette aventure dont il était la cause, il se proposait de parer autant que possible à ses aléas en convoyant, pour ainsi dire, l'aéroplane à travers l'océan avec son navire. « Je n'ignore pas, termina-t-il, que s'il ne leur arrive rien, ils toucheront le continent américain bien avant nous, et que l'idée même de les suivre serait une folie. Mais ce qui peut leur arriver, c'est une panne qui les immobilise sur l'océan, hors de la route des navires, et par conséquent dans l'impossibilité de recevoir un secours quelconque. En ce cas, je puis, moi, me mettre à leur recherche et les recueillir. Je devine la route qu'ils vont suivre. D'autre part, j'ai à bord le sans-fil, lequel me permettra de recueillir en route les radiotélégrammes des navires qui rencontreront l'aéroplane et qui ne manqueront pas de signaler cette rencontre. De la sorte, je pourrai toujours connaître approximativement la route suivie par les aviateurs. Mon projet est donc praticable, et je voulais vous demander, mademoiselle, s'il vous plairait de m'accompagner. « Vous accompagner, monsieur ? » balbutia la jeune fille stupéfaite. « Oui, vous aimez votre frère. Ne seriez-vous pas moins inquiète sur les suites de son aventure si, au lieu de l'attendre en vous morfondant seul à Paris, vous le suiviez de loin, prête au besoin à lui porter secours ? Monsieur Dubois, je crois, n'a que votre affection sur cette terre. D'autre part, son ami est mon seul parent. Pourquoi ne pas associer nos sollicitudes et nos inquiétudes ? Mais je ne sais si je dois... Je comprends, mademoiselle, que fait ainsi un brûle-pourpoint ma proposition est de nature à vous déconcerter. Mais il convient d'en excuser la liberté en faveur des circonstances, car vous ne doutez pas, j'espère, de la loyauté de mes intentions. Au surplus, je ne dois pas être tout à fait un étranger pour vous, puisque je suis l'oncle de l'ami de votre frère. Oh, la question n'est pas là, monsieur. Il suffit que vous soyez le parent du bienfaiteur de mon frère pour que vous ayez droit à toute ma confiance. Mais songez combien votre proposition est inattendue pour une Parisienne qui n'a jamais été qu'en bateau-mouche, et encore. Acceptez, mademoiselle. Je crois pouvoir me porter garant que vous n'aurez à vous repentir de rien. René se laissa convaincre et spontanément, mais résolument, tendit la main au digne vieillard. « Allons, vous me décidez, monsieur, » dit-elle. « Aussi bien mon devoir est de veiller sur mon frère du plus près que je puis. Si je n'acceptais pas votre proposition, et s'il lui arrivait quelque chose, je serais inconsolable. Je suis donc prête à vous suivre, et merci de tout cœur pour votre pensée délicate et votre sympathique assistance. » Et 3 heures plus tard, les préparatifs de la jeune fille ayant été accélérés à l'américaine, tous deux roulaient sur Brest, où, prêts à prendre la mer, les attendait le Lafayette. Nous ne raconterons pas le voyage du submersible, car on a déjà deviné que le mystérieux bienfaiteur des aviateurs en détresse n'était autre que l'oncle Régnier. Comme il l'avait prévu, celui-ci avait recueilli pendant sa traversée force télégrammes concernant le passage de l'aéroplane français au-dessus de l'océan. Le 4e jour de cette traversée, il avait appris ainsi que depuis la veille, on n'avait signalé nulle part les audacieux aviateurs. Comme le dernier navire qu'il avait vu avait signalé sa présence dans les environs des 46 degrés de latitude et de longitude, l'oncle Régnier fit forcer la vitesse en se dirigeant vers cette direction. Du reste, en dépit de l'état de la mer, on avait toujours navigué à la surface et le parent de sans patience s'était résigné à subir les inconvénients du mal de mer pour pouvoir gagner de la vitesse, c'est-à-dire du temps. Vers le milieu du 6e jour, après des recherches relativement courtes, on eut la chance d'arriver en vue de l'aéroplane en détresse. Immédiatement, l'on plongea et l'on s'aida du périscope pour pouvoir s'approcher des naufragés de l'air sans être aperçu. On put alors constater la nature de l'avarie qui immobilisait l'appareil et l'on se mit à la recherche de l'hélice qu'on finit par retrouver surnageant sur les flots à plus d'un mille de là. La nuit venue, on émergea à proximité de l'aéroplane afin d'opérer discrètement la restitution de l'hélice à la faveur de l'obscurité et du sommeil des deux amis. Mais on sait que ceux-ci ne dormaient pas encore. Par le dôme entrouvert, l'oncle Régnier, très amusé, et René Dubois, visiblement troublé, entendirent une partie de la conversation des deux aviateurs. C'était l'heure où on s'en souvient, dans un moment d'expansion insolite, sans patience faisait part à l'ingénieur de ses sentiments intimes au sujet de sa sœur. Malheureusement, ayant été aperçu par sans patience, on dut plonger brusquement sans entendre le reste, car il entrait dans le plan malicieux de l'oncle Régnier de ne pas être reconnu. Et plus tard dans la nuit, ce fut le Berthoud du bord, monté par deux hommes, qu'elle a déposé sur l'aéroplane en détresse les lys et les vivres. Le lendemain matin, après avoir assisté à 100 mètres de là, grâce au périscope, au réveil des deux amis, à leur stupéfaction, puis à leur départ, on reprit la route du sud-ouest. Mais le Lafayette n'arriva à Brooklyn que le lendemain matin. Ce fut là que l'oncle Régnier et la jeune fille connurent le récit tragique des événements de la veille. Mortellement inquiets, tous deux gagnèrent immédiatement New York. Là, l'oncle Régnier se renseigna, se fit connaître, lui et sa compagne, comme les parents des deux aviateurs français, et fut conduit avec beaucoup d'empressement à l'Atlantic Hotel, où, comme on le sait, se trouvaient les deux amis. On retrouva les blessés, l'un encore sans connaissance, l'autre déjà dans le délire, mais les médecins étaient d'accord pour déclarer formellement que ni l'un ni l'autre n'était en danger. « Quand je vous le disais, dit alors à René, l'oncle Régnier rassuré, quand je vous le disais que votre frère pouvait avoir besoin de vous. » De fait, la présence d'une garde malade telle que la jeune fille auprès des deux blessés ne pouvait qu'avoir une influence favorable sur l'état de ceux-ci. L'oncle Régnier, d'ailleurs, la seconda de son mieux. Aussitôt que son état le lui permit, on mit l'ingénieur au courant de ce qui s'était passé. On lui fit promettre de garder le secret jusqu'à nouvel ordre, puis, lorsque le ver du noix eut cessé de battre la campagne, l'oncle Régnier et René Dubois s'éclipsèrent pour aller préparer à Philadelphie la surprise que l'on sait.